Merci Mathieu et à demain. Il y a quelques semaines, des géologues ont ravivé la mémoire d'un continent englouti, ou plus exactement d'un fragment de plaque nommé Grand Adria, détaché du Gondwana il y aurait quelques 250 millions d'années, qui serait passé sous l'Europe, dont on retrouve des traces notamment dans les massifs montagneux autour de la mer Adriatique. Car si nous savons que le visage de notre planète n'a pas toujours été le même, et que nos continents actuels dérivent d'un supercontinent, la Pangée, qui s'est disloquée, il est en revanche beaucoup plus complexe de retracer l'histoire des précédents mouvements de convection et d'imaginer le futur. Dérive des continents, attention Pangée, c'est le programme géologique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette histoire de la Pangée, oui, nous avons des titres un peu farfelus cette semaine. Et celle plus putative, hein, comme on va l'entendre, des supercontinents précédents et des différents cycles de Wilson, leur influence également sur l'évolution de la biodiversité. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Patrick de Wever. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géologue spécialisé en micro-paléontologie, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, auteur avec Francis Duranton de La Valse des Continents, c'est aux éditions EDP Sciences, et Laurent Jolivet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université, auteur de La Déformation des Continents, c'est aux éditions Hermann. Mais avant de nous laisser dériver donc sur le manteau terrestre, nous allons rester bien accrochés à l'actualité scientifique du jour avec le Journal des Sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une découverte décrite dans la revue Science. Le cartilage humain peut se reconstituer. Jusqu'à présent, on ne pensait pas que c'était un tissu régénératif. Mais il est capable de se réparer lui-même, comme on l'observe chez les salamandres ou chez certains reptiles. Les biologistes de l'université de Duke, aux États-Unis, ont étudié le cartilage articulaire adulte du genou, de la hanche et de la cheville. Ils ont examiné les protéines de chacun d'eux pour déterminer l'âge de ces tissus. Ils ont constaté que leur âge n'est pas le même selon leur emplacement. Comme pour les animaux, plus le cartilage se situe à l'extrémité, plus il est capable de se régénérer. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les hanches souffrent plus facilement d'arthrite, contrairement aux chevilles. Les chercheurs ont aussi montré que ce sont les micro-ARN qui régulent ce processus moléculaire. Le professeur François Ranoux est rhumatologue à l'hôpital Cochin. Il dirige une équipe INSERM de biologie articulaire. Suivant les articulations, si on prend par exemple les membres inférieurs, eh bien, l'incidence en fait de l'arthrose est très très variable. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'arthrose de la hanche ou du genou, et l'arthrose de la cheville, elle est exceptionnelle. Alors que on a dans les trois cas du cartilage, de l'os sous-chondral, du tissu synovial. Et il montre que effectivement, ce cartilage n'est pas le même, et que notamment, il n'a pas les mêmes capacités de réparation. Les micro-ARN, dans leur publication, c'est l'instrument, on va dire, moléculaire qui leur a permis de démontrer que les trois cartilages de la hanche, du genou et de la cheville avaient des pouvoirs de régénération en fait et de réparation très différents, avec un maximum pour le cartilage de la cheville et un minimum pour le cartilage de la hanche. Ce qui va avec le fait que on a une incidence de l'arthrose de cheville qui est beaucoup plus faible que la hanche. Et il montre que les acteurs principaux sont un groupe de micro-ARN, il y en a trois, dont on sait qu'ils sont très impliqués dans la réparation tissulaire. Eh bien, ces trois micro-ARN sont très présents et visiblement très actifs dans le turnover protéique du cartilage de la cheville, et beaucoup moins dans celui de la hanche. Et comme tous les jours, vous pouvez retrouver les sources et les liens des articles cités dans ce journal sur le fil Twitter @laméthodefc et aussi sur la page du Journal des Sciences sur le site franceculture.fr. Et on poursuit avec les brèves du jour. Selon une étude parue dans Nature, la mort subite du nourrisson pourrait avoir des causes génétiques. C'est un syndrome que l'on explique mal et en France, c'est la première cause de mortalité infantile. Selon les biologistes de l'université de Washington, il pourrait s'agir d'une mutation génétique rare, la mutation du gène HADHA, qui provoque une anomalie, le DPTFM, pour déficit en protéine trifonctionnelle mitochondriale. Cette anomalie perturbe la transformation des lipides que contient le lait, ce qui provoquerait l'arrêt du cœur. À partir de cellules souches cardiaques génétiquement modifiées, les chercheurs se sont aperçus que celles qui portaient cette mutation ne pouvaient pas traiter les acides gras ni maintenir un rythme cardiaque. Ce travail présente donc de nouvelles pistes thérapeutiques. Et enfin, selon une étude publiée dans The Astrophysical Journal, les trous noirs supermassifs peuvent stopper la croissance des galaxies naines. Trois astrophysiciennes de l'Université de Californie ont examiné une cinquantaine de galaxies naines. On sait que les trous noirs peuvent produire des vents puissants, des flux de gaz ionisés à grande vitesse qui se propagent dans leurs galaxies hôtes. Selon cette étude, ils peuvent avoir des effets sur le contenu gazeux des galaxies de faible masse. Ces vents puissants peuvent disperser le gaz du centre de la galaxie et perturber le processus de formation d'étoiles. Jusqu'à présent, les trous noirs n'étaient pas inclus dans les modèles théoriques de formation et d'évolution des galaxies naines. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences que vous pouvez également retrouver sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Alors s'il est établi et enseigné aujourd'hui que la Terre n'a pas toujours eu ce visage, que les continents dérivent portés par les plaques tectoniques sur lesquelles ils se situent, il faut se souvenir que cette réalité scientifique est très récente dans l'histoire des sciences. Elle avait certes été formulée sans grande preuve géologique, on va en reparler, par Alfred Wegener au début du XXe siècle, mais il faut attendre les années 60 pour que l'hypothèse de la tectonique des plaques et donc de la fragmentation d'un supercontinent ne ressurgisse et s'impose dans la communauté scientifique, comme en atteste cette archive issue de l'heure de la culture française sur la radiodiffusion française. Nous sommes en 1963. Et voilà que des géologues reviennent aujourd'hui à la théorie de la dérive des continents en se fondant sur des observations nouvelles, en lui assignant un mécanisme fort différent d'ailleurs de celui qu'imaginait Wegener. Un des protagonistes de cette théorie rajeunie, le professeur Tuzo Wilson, directeur de l'Institut des sciences de la Terre à l'Université de Toronto, en avance un faisceau de présomptions qui, cette fois, emportera peut-être la conviction des géologues et des géophysiciens. On sait que la croûte terrestre repose sur une couche beaucoup moins rigide, qu'on appelle le manteau, et la partie superficielle du manteau serait même d'une viscosité bien inférieure à celle des couches plus profondes. La théorie de l'isostasie admet que lorsqu'une portion du continent est lourdement surchargée, par exemple par des glaciers, elle s'enfonce dans le manteau, dans le magma sous-jacent, et que lorsque cette surcharge disparaît, le continent se soulève comme s'il flottait sur le magma. De cela, on a des preuves multiples, notamment par la mesure de la pesanteur. Wegener disait que si la croûte flotte sur le magma et peut être affectée de mouvements verticaux, c'est que le magma sous-jacent peut se déplacer et que par conséquent la croûte peut avoir aussi des mouvements horizontaux. Ce raisonnement n'a rien perdu de sa force. Voilà, archive issue de l'heure de la culture française. Nous sommes en 1963. Je vous voyais lever les sourcils un peu. Bien évidemment, la science évolue. Laurent Jolivet, une réaction à cette archive? Bien, donc si on est en 1963, on peut comprendre certaines approximations. Ce qui reste vrai, c'est que, évidemment, Wegener était le précurseur, même si d'autres avant lui avaient remarqué l'emboîtement des formes des continents, ce qui est quand même l'hypothèse, enfin, l'observation la plus simple et qui reste valable aujourd'hui. Wegener manquait d'un moteur, simplement parce qu'il manquait, il connaissait pas la structure interne du globe, il ne connaissait pas la viscosité des roches profondes. Voilà, là on parle de magma profond, le manteau est fondu mais en très petite proportion, quelques pourcents, et par endroit. Si on fait un trou aujourd'hui dans le manteau, on va tomber sur des roches qui sont bien bien dures et qui ne donnent pas l'impression de pouvoir entrer en convection. Je crois que Wegener, il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Wegener n'a pas seulement proposé une hypothèse, il a testé son hypothèse. C'est-à-dire, ses observations de départ, c'était l'emboîtement des continents, c'était la complémentarité de distribution, de provinces faunistiques ou floristiques, beaucoup d'arguments qui restent tout à fait valables aujourd'hui. Mais il a aussi testé son hypothèse. Il se trouve qu'il était marié avec la fille d'un paléoclimatologue, Köppen, et avec lui, ils ont testé les reconstructions d'Alfred Wegener en imaginant que, ce qui reste une hypothèse très, très solide, que la distribution des climats à la surface de la Terre n'avait pas beaucoup changé, qu'on avait toujours cette distribution latitudinale. Et ils montraient dans ces reconstructions depuis le Paléozoïque que, en effet, les distributions des différents types de roches, les charbons, les évaporites, les dépôts glaciaires, etc., collaient bien avec cette distribution latitudinale. Donc, Wegener, c'est plus que quelqu'un qui avait remarqué, qui a fait des observations importantes et imaginé quelque chose. Il a testé son hypothèse, c'était un vrai scientifique, et pour moi il reste vraiment le précurseur de toute cette histoire, même s'il lui manquait une grande partie des observations. Patrick de Wever, un mot, on entend le nom du géologue canadien John Wilson, on va revenir puisque c'est important, parce que il y a Wegener bien sûr, il y a Wilson qui postule ce qu'on va appeler les cycles de Wilson, et donc l'idée que peut-être, ou je ne sais pas, Patrick de Wever, ou d'ailleurs Laurent Jolivet, comme vous voulez, ces mécanismes de convection, ils ne sont pas produits qu'une seule fois à l'échelle de la planète. Alors ça, c'est une remarque très importante, et ça remonte très loin en fait. C'est pas Tuzo Wilson d'ailleurs, c'est pas John Wilson, c'est Tuzo Wilson. Oui, Tuzo Wilson, pardon. Le nom de cycle de Wilson a été proposé bien plus tard par Kevin Burke, qui a disparu il y a 2 ans maintenant, en hommage à Tuzo Wilson. Mais des géologues comme Émile Argamp, par exemple, avaient remarqué dès les années 20 qu'à la place de l'océan Atlantique Nord actuel, on trouvait les traces d'un ancien océan, qui on sait aujourd'hui qu'il était là il y a environ 500 millions d'années, le Iapétus. Et il en avait tiré la conclusion que, l'océan Atlantique s'était ouvert sur une ancienne suture océanique, c'est-à-dire sur l'endroit où un ancien océan s'était refermé. Et il fallait donc bien imaginer que la dérive des continents n'avait pas eu lieu une seule fois, mais plusieurs fois. Et ça, c'était une remarque majeure. Évidemment, aujourd'hui, on est capable de remonter plus loin dans le passé et de montrer qu'en effet, on peut faire plusieurs, créer... Depuis 500 millions d'années, ou même 800, plusieurs continents uniques qui se sont succédés au cours du temps. Et donc la convection est un processus qui conduit à cette répétition. Et on va revenir sur cette histoire-là, puisqu'évidemment la Pangée, c'était 250 millions d'années. On rappelle que notre bonne vieille planète, on a environ 4,5 milliards. Donc que s'est-il passé? Ça laisse beaucoup d'espace pour comprendre cette histoire géologique de la planète. Un mot tout de même sur, j'aimerais vous entendre sur cette actualité que j'évoquais tout à l'heure dans l'introduction. Ce papier-là qui date du 12 septembre sur ce continent englouti. On a l'impression qu'on découvre, c'est aujourd'hui Grand Adria. On redécouvre comme ça des blocs ou des traces géologiques de cette dislocation récente de la Pangée. C'est Grand Adria aujourd'hui, c'était Zealandia dont on a parlé l'année dernière. Une réaction, Laurent Jolivet ? Alors le cas est très différent pour Zealandia et pour Grand Adria, puisqu'on l'appelle comme ça aujourd'hui dans cet article récent de nos collègues du Trekt. Je crois qu'il faut remettre un petit peu les pendules à l'heure là-dessus. Ce qu'ils appellent Grand Adria, c'est qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez redire pour les auditeurs exactement. C'est un bloc continental coincé entre guillemets entre en gros les continents du sud, disons le Gondwana, et les continents du nord, disons l'Europe, au cours du Mésozoïque. Mésozoïque, c'est il y a combien de temps ? Donc le Mésozoïque, disons entre 250 et 66 millions d'années, ce morceau continental s'est détaché des continents du sud, c'est-à-dire en gros de l'Afrique, si vous voulez, à une époque qui est assez discutée, Alors pour les collègues du Tract, c'est vers 250 millions d'années. Pour d'autres, ça va être plutôt aux alentours de 170-180. Et qui est entré en collision avec les continents du Nord au cours de sa dérive. Avec le bloc européen, donnant naissance aux Alpes, aux Carpates, aux Dinarides, aux Hellénides, toutes les chaînes du Nord de la Méditerranée. Mais ce continent, il est connu depuis l'avènement de la tectonique des plaques, c'est-à-dire depuis qu'on a compris que les ensembles rocheux qu'on appelle des ophiolites correspondaient à d'anciens océans. Pour remonter aux années 70, 71, 72, avec des articles de Ken Hsu et John Dewey, qui montrent l'existence de ce continent et qui reconstruisent sa position. Alors bien sûr, l'article nouveau là offre une image, disons peut-être plus précise, qui est sans doute discutable en partie, mais une image plus précise. Mais on découvre pas un nouveau continent, on reconstruit plus précisément sa position. Voilà. Ce qui veut dire que c'est une nouvelle synthèse, une nouvelle plaque. C'est une nouvelle synthèse, mais c'est pas une nouvelle plaque, c'est exactement ça. Et par contre, le travail qu'ils ont fait et qu'ils ont publié dans un article qui est très très long, ce travail est remarquable parce qu'il a nécessité des années et des années de reconstruction minutieuse de la position des différents blocs qui sont aujourd'hui inclus dans les chaînes de montagne. De ce point de vue-là, c'est un bon travail et cet article mérite d'être mentionné, mais pas pour la découverte de ce continent qui est connu depuis longtemps. Patrick Weaver, un mot justement sur Grand Adéri. Qu'est-ce qu'il est devenu ce continent aujourd'hui? Il est où? Il est reparti dans le manteau? Il est sous l'Europe? Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est le propre des plaques, quand on les voit en surface, ça s'appelle des continents, ou on les voit au fond de l'océan, mais la Terre, c'est surtout pas quelque chose de statique, et en aucun cas seulement des mouvements horizontaux. Il y a toujours des mouvements horizontaux et verticaux, et dans les deux sens. Donc tout descend et tout monte sans arrêt. Nous on dit la Terre est vivante, parce que justement, c'est vrai que quand on voit un caillou, on a du mal à imaginer que ça puisse être malléable, mais ça l'est. À l'échelle géologique, il y a une notion de temps, souvent quand on parle de géologie, c'est ce qui est difficile à comprendre, c'est une dimension temporelle qui n'est pas du tout à l'échelle humaine, qui n'est pas du tout à l'échelle de l'environnement que l'on voit autour de nous. Un mot aussi sur Zélandia, qui est là où on parle, il y a une sorte de discussion pour savoir s'il s'agit et si on peut évoquer cette plaque qui est donc largement sous-marine, dont la partie émergée serait la Nouvelle-Zélande, et qui pourrait faire office de continent à part entière. Il y a une sorte de discussion entre géologues. Que faut-il en penser, Laurent Jolivet? Donc, Zélandia, c'est tout ce qui entoure la Nouvelle-Zélande, et en effet, il y a un ensemble de plateaux continentaux qui dépassent très très largement les côtes de la Nouvelle-Zélande, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, que des collègues néo-zélandais et australiens ont récemment remis au goût du jour. Ces blocs continentaux sont connus, on les voit dans les cartes bathymétriques, les cartes de profondeur depuis très longtemps, mais là ils ont proposé une étude assez détaillée de la structure de ce continent. Donc c'est encore une fois, c'est pas une découverte, ils ont donné un nom. C'est pas une découverte, mais par contre, c'est une description assez précise et nouvelle finalement de cet ensemble continental qui est autour de la Nouvelle-Zélande. Patrick, il faut savoir que ce que les géologues appellent un continent, ce ne sont pas des terres émergées. Laurent l'a dit, c'est un bloc continental. Et quand c'est un bloc continental, c'est-à-dire qu'il y a une structure, une composition de type de roche. Donc, nous, qu'un continent soit sous l'eau, on appelle ça un continent parce que très schématiquement, ce qu'on appelle un continent, c'est une plaque avec des granites. Alors que ce qu'on appelle océan, ça peut être une plaque aussi, mais c'est plutôt, schématiquement, avec des basaltes. Et donc, vous voyez, c'est la notion de continent, d'océan, chez les géologues, ce n'est pas la définition des géographes. Et ça, souvent, ça peut perturber un peu. Et un mot, justement, sur Zélandia. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'on commence à avoir, effectivement, grâce à ces études, certainement aussi grâce à une surveillance satellitaire, une connaissance de plus en plus précise qui permet, effectivement, de trouver des pièces du puzzle. Disons qu'on a le schéma global de cette Pangée dont on va reparler et de cette dérive continentale. Vous le disiez à l'instant, Laurent Jolivet, tout ça, ce ne sont pas des découvertes à proprement parler. Mais néanmoins, on commence à arriver à reconstituer et à commencer à avoir des détails dans l'histoire de cette dérive continentale et dans ce que donc notre capacité à remonter le fil de l'histoire pour comprendre comment ce supercontinent s'est fractionné. Oui, bien sûr. Il faut voir que, par exemple, si vous prenez le Grand Adria, ou qu'on appelle en général, nous, plutôt l'Apulie, ce continent donc, qui est connu depuis un certain temps, on a, au cours des années, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, accumulé des données. La géologie, c'est une science qui est, vous le disiez tout à l'heure, c'est une science qui est assez récente, mais on a quand même plus de 100 ans d'accumulation d'observations sur le terrain et dans les océans, en particulier autour de ce continent Adria ou Apulie. Et vous demandiez tout à l'heure où est ce continent quand vous marchez sur les Dolomites, quand vous marchez en Toscane, quand vous marchez dans toutes les îles grecques, vous marchez sur l'Apulie. Et donc la limite entre ce continent et l'Europe au nord, c'est un paléo-océan qui aujourd'hui est coincé dans des ensembles qu'on appelle les ophiolites, qui sont parfois au sommet des montagnes, comme dans les montagnes du Pinde, ou le mont Viso dans les Alpes, ou le Chenaillet, etc., qui marquent la suture, la ligne de suture autour de ce continent Apulie. Les ophiolites, juste pour préciser, c'est un type de roche particulier. C'est un type de roche dont une partie vient du manteau de la Terre, ce qu'on appelle les péridotites ou les serpentines. Le socle du mausolée de Napoléon, ce sont des serpentines qui viennent des Alpes. Les basaltes au-dessus, les gabbros, etc., et des sédiments océaniques qui marquent d'anciens océans et que vous allez trouver dans pratiquement toutes les chaînes de montagnes, sauf les Pyrénées par exemple. C'est le fond de l'océan. Ça paraît contradictoire, mais le mont Viso, qui est un sommet quand même très élevé, comme le Chenaillet, pour nous, quand on regarde ça, on voit le fond de l'océan. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons donc aujourd'hui de Pangée, de dérive continentale, de supercontinent en compagnie eh bien, de Laurent Jolivet, de Patrick de Wever. Alors on va pas revenir complètement sur l'intégralité de l'histoire de la tectonique des plates puisque ça avait donné lieu à une émission précédente dont on va vous mettre le lien sur notre fil Twitter @laméthodefc. Peut-être qu'on peut tout de même poser cette question Laurent Jolivet, Patrick de Wever, c'est-à-dire qu'effectivement il n'y a pas que l'observation des roches, il y a l'observation des fossiles, il y a tout un travail de géologie beaucoup plus inclusif qui permet aujourd'hui petit à petit d'accumuler des indices et de comprendre bien ce qui s'est passé et comment on est passé de ce supercontinent à l'état aujourd'hui de nos continents actuels, Patrick de Wever. Oui, effectivement, quand Alfred Wegener avait proposé cette théorie de séparation, ça c'était de l'observation géographique, c'est de la géométrie simple. C'est-à-dire que voir l'Afrique et que l'Afrique et l'Amérique du Sud, eh bien, ça s'emboîte. Voilà. Pour dire et ça donc, simplement. Donc après, c'est ce qui avait été dit tout à l'heure par Laurent, il y a une approche scientifique. Ils se sont dit, si c'était côte à côte, alors on doit retrouver, là où les fragments étaient jointifs, on doit retrouver des choses identiques. Et ils ont regardé, et ces choses identiques, c'était d'une part un type de roche. Ils retrouvaient sur une partie de l'Afrique et sur une partie de l'Amérique du Sud le même type de roche, et ça s'emboîtait bien. Ils ont regardé aussi des traces de glaciers, avec, vous savez, quand il y a un glacier, ça laisse des traces, ça laisse des stries qui ont une certaine direction, qui est la direction d'écoulement du glacier. Et ils ont retrouvé que aujourd'hui ces stries sont différentes, mais quand on rapproche les plaques, les stries allaient dans la même direction. Autre preuve. Et ils ont cherché aussi donc les fossiles. Alors les fossiles, ça voulait dire que quand on regarde d'un côté et de l'autre, on trouve le même type de fossiles. Et les fossiles, après, sont devenus différents quand les continents se sont séparés. On comprend facilement, par exemple, en Australie aujourd'hui, s'il y a des animaux, toute une catégorie, un grand nombre d'animaux très particuliers, c'est parce que l'Australie s'est séparée très précocement de l'Afrique de l'autre côté. Donc ils ont retrouvé des fossiles identiques, que ce soit en termes d'animaux ou que ce soit en termes de plantes. Il y avait une répartition qu'ils ont retrouvé aussi de part et d'autre. Comment est-ce qu'on infère que, finalement, peut-être on peut réexpliquer d'ailleurs, Laurent Jolivet, comment ça fonctionne cette mécanique tectonique en quelques mots, hein, parce qu'encore une fois, on l'a déjà parlé, mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, notre compréhension de la structure, de la croûte, du manteau, des différents niveaux du manteau terrestre, nous amène à penser que cette convection-dislocation a eu lieu à plusieurs reprises. Comment ça se passe à l'intérieur du manteau terrestre pour être sûr que finalement c'est une sorte de mouvement cyclique? Là, il faut revenir un petit peu sur l'histoire des découvertes. Après l'approche de Wegener qui a été très critiqué par certains, mais suivi et utilisé par d'autres, mis en avant par d'autres, comme j'évoquais le nom d'Émile Argon tout à l'heure, on pourrait évoquer le nom de Arthur Holmes, qui était un géologue anglais, qui lui, très tôt, a mis en avant le mécanisme de la convection du manteau. Je passe sur les détails, mais c'était une avancée conceptuelle extraordinaire à ce moment-là. Il y a un certain nombre d'étapes qui amènent à prouver d'abord que la dérive des continents est une réalité. Et là, ce sont nos collègues paléomagnéticiens dans les années 50. Et le paléomagnétisme, en gros, c'est... On est capable de retrouver dans les roches la position du pôle nord par rapport à l'affleurement sur lequel on est en train de travailler à telle époque. Voilà. Et on se rend compte que le pôle nord, il n'est pas à l'endroit du pôle nord actuel. Donc cette roche a bougé, s'est déplacée, a tourné. Et on arrive à reconstituer sa dérive par rapport au pôle nord actuel. Eh bien, on se rend compte que ces chemins de dérive ne sont pas les mêmes du côté européen et du côté américain. Et ça, c'était l'apport de collègues comme Ted Irving ou son patron Keith Runcorn, qui ont prouvé pour la première fois la dérive des continents. Ensuite, on s'est rendu compte que, en travaillant dans les océans, que la majeure partie de ce qui permet aujourd'hui de reconstituer les déplacements était dans les océans. C'était la découverte des anomalies magnétiques, du rôle des dorsales, des zones de subduction, etc. Et là, on est passé de la dérive des continents à la tectonique des plaques. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc, ça se concrétise à la fin des années 60, parce que ça montre que les continents ne se déplacent pas tout seuls à la surface du magma, ou comme le postulait Wegener, mais ils se déplacent avec le fond des océans, formant ce qu'on appelle les plaques tectoniques aujourd'hui. Et en fait, ce déplacement des plaques qui s'écartent les unes des autres, qui se rapprochent les unes des autres, l'une passant sous l'autre, qui coulissent l'une contre l'autre, n'est jamais que l'expression visible en surface de la convection profonde. Alors c'est quoi cette convection profonde ? Qu'est-ce qu'on en sait exactement ? Alors au départ, il y a des idées... Il y a des concepts, hein, donc je parlais de Arthur Holmes, on pourrait parler de Aries, qui imaginait que le manteau chaud remontait vers la surface, s'étalait latéralement, se refroidissait et replongeait, ce qui est exactement... La convection océanique, finalement. La convection océanique, c'est exactement ce qui se passe au-dessus de votre radiateur ou dans votre pièce quand vous chauffez votre maison. Ou dans votre casserole d'eau bouillante. Ou dans votre casserole d'eau bouillante, ou dans votre tasse de thé. Voilà. Dans tout ce qui chauffe, quoi. Dans tout ce qui... tous les liquides qui chauffent. Et donc, il y avait cette vision du manteau comme un fluide. Mais évidemment, un fluide qui n'est un fluide que sur la durée des temps géologiques, c'est-à-dire sur les millions d'années, les dizaines ou les centaines de millions d'années. Eh bien, cette convection qui était une hypothèse raisonnable, aujourd'hui, on arrive à assez bien la visualiser parce qu'on est capable de créer des images par des méthodes de la sismologie qui ressemblent un peu à quand on veut imager faire les images des bébés dans le ventre des mamans. À l'échographie, voilà. Au lieu d'utiliser des ondes acoustiques, on utilise des ondes sismiques. Et on peut. En tomographie, donc. C'est ce qu'on appelle la tomographie sismique, où on voit les panneaux plongeants, les lithosphères qui plongent, les plaques qui plongent, où on voit les domaines chauds, ce qu'on appelle les panaches, qui viennent du manteau profond. Et on peut, avec ça, puisqu'on peut faire la relation entre vitesse sismique et densité, calculer les mouvements de convection à l'intérieur du globe. Donc on arrive bien aujourd'hui à faire le lien entre dérive des continents et convection profonde. Patrick De Wever. Mais ce qui est amusant, on vient de parler d'échographie. Généralement, quand on veut expliquer la sismique, on prend l'image de l'échographie, parce que ça, tout le monde voit bien ce que c'est, alors que l'échographie est un produit secondaire de la sismique. Oui. C'est un sous-produit de la guerre 14, en fait. Parce qu'à la guerre 14, on savait qu'il y avait des canons qui s'amusaient les uns contre les autres. Et c'est un Allemand qui a eu l'idée de se dire... Alors, les canons, à l'époque, ils avaient beaucoup de recul. Et après, il envoyait son obus, il avait un recul et il tapait dans la terre. C'est ce qu'ils appelaient le coup de bêche. Et c'est un Allemand qui s'est dit, mais si il y a des coups de bêche, donc ça fait des vibrations... Si j'enregistre les vibrations par triangulation, je vais réussir à localiser la position du canon. Ils sont plus efficaces. Et le produit secondaire aujourd'hui, c'est l'échographie. Alors pour revenir à notre plongée, à notre échographie planétaire, disons, aujourd'hui, quel est notre degré de certitude, de sécurité sur justement cette histoire géologique et sur l'existence, sur la nature de ce supercontinent, Patrick De Wever. Aujourd'hui, la plongée, c'est géologiquement, scientifiquement indiscutable. rien n'est jamais indiscutable en science. Évidemment. Mais néanmoins, il y a quand même un faisceau de présomptions, de preuves même. On n'imagine pas une autre possibilité. Mais ça ne veut pas dire que c'est indiscutable et que c'est la vérité. Jusqu'à preuve du contraire. Bon. Voilà. On ne va pas refaire du paupérisme ici, on sait. Bon. Voilà. Mais donc, aujourd'hui, il y a un ensemble d'arguments qui soient magnétiques, paléontologiques, climatiques, etc., etc., qui, oui, la Pangée, tout le monde l'admet. Jusqu'à la Pangée, on est sûr, Laurent Jolivet. Oui, parce que les traces de l'ouverture des océans dans les océans actuels sont indubitables, et aujourd'hui, on est vraiment capable, millions d'années par millions d'années, de refermer ces océans. Donc, tant qu'il y a un fond océanique, c'est-à-dire on peut remonter jusqu'en gros 200 millions d'années, il n'y a pas vraiment de discussion. Alors, il y a la Pangée A, la Pangée B, voilà, des petites discussions, c'est du détail. Mais l'existence de la Pangée n'est remise en cause par personne. Après, quand on va plus loin dans le passé, c'est-à-dire les vicissitudes de la Pangée, quand l'enregistrement dans le fond des océans n'existe plus, là, on doit s'en tenir à des données paléontologiques, par exemple, mais aussi des données sur le paléomagnétique, qu'on va enregistrer, qu'on va récupérer sur les continents. Et ces données paléomagnétiques, elles vont vous donner des indications sur la rotation, mais vous serez toujours embêté pour la position en latitude de ces roches il y a 400 millions d'années, par exemple. Donc c'est plus discutable. On reviendra sur la pré-Pangée, on verra que, parce que d'après les cycles de Wilson, on estime qu'il y en a eu 5 ou 6 depuis le début de la tectonique des plaques, c'est-à-dire depuis 2 milliards et quelques d'années. Bah, il peut y en avoir eu plus, disons que les 2 ou 3 derniers, on est à peu près certains qu'ils ont existé. Après... Et sur le calendrier aussi, avant... On imagine qu'il y en a eu, mais on ne peut absolument pas... On n'a plus de traces. Mais tout est tellement mélangé après qu'on ne sait plus de quoi on parle. Et est tellement mélangé, c'est-à-dire qu'évidemment avec le brassage. Oui, voilà. Vous imaginez, vous prenez un gâteau, vous le coupez, vous séparez les parts, et puis après, donc chacun commence à se servir, et puis après quelqu'un rassemble les morceaux, vous le recuisez un petit coup peut-être, on redécoupe les parts, et au bout de 4 fois, vous savez plus quel morceau. Ou à côté de qui il était initialement. Donc en fait c'est ça, au-delà de 500 millions d'années, ça devient tellement hypothétique que nous on a tendance à appeler ça de la poésie, alors que pour la reconstitution des océans dont il était question, c'est tellement fin la reconstitution au fond des océans, qu'on voit que tel océan s'est ouvert rapidement et que tel autre s'est ouvert plus lentement, hein, avec la finesse des reconstitutions millions d'années par millions d'années. Donc là quand même... Est-ce que vous pouvez, alors évidemment tout ça est très visuel et on va évidemment vous mettre, et on vous en met d'ailleurs depuis le début de cette émission, un certain nombre d'images, de graphiques et de dessins sur le fil Twitter de l'émission @lamethodefc, mais en quelques mots, Laurent Jolivet, si on devait résumer l'histoire que l'on connaît aujourd'hui de la dislocation de la Pangée, ça commence à 250 millions d'années à peu près ? Oui, vers 250 millions d'années ou un petit peu avant, on commence à voir se former à l'intérieur de la Pangée des fractures qu'on va appeler les rifts, qui sont assez bien enregistrées. Par exemple, le graben d'Oslo, toutes les roches volcaniques que vous allez trouver dans le sud de la France ou en Corse qui datent du Permien se sont formées dans des zones de déchirure, hein, dans des rifts. Donc ça commence en effet à ce moment-là. Ce sont des fractures qui sont bien réparties dans toute la partie occidentale de la Pangée, c'est-à-dire là où nous habitons. Et à partir de là, un grand océan va se former, plutôt est-ouest, qu'on appelle la Tétis, ou la Néo-Tétis, puisque d'autres Tétis avant. La Néo-Tétis, et puis petit à petit, cet océan va se refermer, et en même temps, un grand océan nord-sud va s'ouvrir, qui est le futur océan Atlantique, l'océan Atlantique qu'on observe aujourd'hui, qui terminera sa progression vers le nord en séparant le Groenland de l'Europe vers 56 millions d'années, et puis un peu plus récemment, plus jeune, dans des périodes plus récentes. Oui, on est capable de bien décrire l'évolution, hein, mais effectivement c'est très graphique. Donc. On peut donner quelques éléments, évidemment avec des éléments particuliers de cette dislocation de la Pangée, notamment l'Inde qui a un parcours singulier, l'Australie et l'Antarctique qui se séparent très tôt et dont on retrouve là aussi des traces de connexions géologiques très fortes. Patrick de Wever, pour compléter un peu ce graphique audio. Avec un graphique plus proche de chez nous, par exemple, on vient d'évoquer l'Atlantique qui se sépare, l'océan Nord-Sud. En fait, aujourd'hui, on admet qu'il y a trois Atlantiques. Il y a d'abord un Atlantique central, qui s'est ouvert il y a 170 millions d'années à peu près, donc qui sépare, disons, la France, le Maroc et en gros les États-Unis et l'Amérique centrale. Et il n'y avait que cet océan qui était ouvert. L'Afrique et l'Amérique du Sud étaient encore jointives. Puis, il y a 110 millions d'années, vous voyez, ce sont des centaines de millions d'années, oui, mais enfin, entre 170 et 110, ça fait quand même 60 millions d'années. C'est exactement le temps qui nous sépare depuis l'ère mésozoïque, depuis l'ère secondaire, depuis la fin des dinosaures. Donc vous voyez, c'est quand même pas un détail. Et donc là, ça s'ouvre. Et cette ouverture n'est pas une ouverture, je veux dire, comme une porte, c'est une ouverture un peu plus comme une fermeture éclair. Et donc, il y a une partie qui pivote, et l'Afrique, par exemple, pivote sur elle-même. Et comme elle pivote, il y a une partie qui remonte un peu plus fort que plus rapidement vers l'Europe, ce qui crée forcément ça chiffonne les roches, ça fait des montagnes. Et seulement après, il y a le troisième océan, tout au nord, dont on vient de parler, qui se forme, et là, il y a quoi, de l'ordre de 40 millions d'années. Donc, vous voyez, c'est la précision, on arrive quand même à. Donc, pour les géologues, il n'y a pas un Atlantique, il y a trois Atlantiques. Et on va voir qu'il y a la vision des géologues, et puis il y a la vision des paléontologues, et puis notamment des paléogéologues qui nous permettent de comprendre, notamment grâce à l'histoire des fossiles, un peu mieux et un peu plus en détail, l'histoire de ces séparations continentales. Drifting on a sea of forgotten teardrops. Lifeboat sailing for your love, sailing home. Voilà Jimi Hendrix, Drifting sur France Culture, puisque nous parlons justement de dérives et de dérives continentales tout au long de cette heure, et notamment de l'histoire du supercontinent et des supercontinents qui ont marqué l'histoire géologique de notre planète. Nous en parlons avec Patrick de Wever, qui est géologue spécialisé en micropaléontologie et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, et Laurent Jolivet, professeur à Sorbonne Université. Alors, une autre conséquence de cette dérive continentale, c'est l'influence très forte sur l'évolution de la biodiversité, soit qu'une même espèce se retrouve séparée et évolue de façon différente, c'est ce qu'on appelle la spéciation allopatrique, soit au contraire qu'un continent soit d'un seul coup accessible à des espèces qui migrent, comme lors de la jonction par exemple des deux sous-continents américains. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Institut Systématique Évolution Biodiversité du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris pour comprendre comment la découverte de fossiles d'insectes dans le Nord-Pas-de-Calais a remis à jour nos connaissances sur ce que fut la Pangée. Oui, je suis allée voir André Nel, qui est paléo-entomologiste. Avec ses collègues, en 2013, il a fouillé un terril de charbon dans la ville d'Avion. Ils y ont découvert des fossiles de petits insectes ayant vécu au Carbonifère. Et cette trouvaille a montré que, contrairement à ce qu'on pensait, la Pangée dans cette région-là n'est pas seulement peuplée d'insectes géants, mais aussi de plus petits spécimens. Des spécimens qui seraient aujourd'hui les ancêtres des holométaboles, c'est-à-dire les insectes à métamorphose complète. Ces fossiles ont été trouvés dans un terril d'anciennes mines de charbon. Et donc, dans les blocs de roche de ce terril, on trouve des plantes, on trouve aussi des insectes. Alors, certains sont de grande taille, comme des méganoras, donc ce sont souvent des fragments d'ailes ou des morceaux d'insectes, en fait. Mais nous avons trouvé de très petits insectes. Et ces très petits insectes sont extrêmement intéressants parce qu'ils appartiennent aux lignées les plus modernes des insectes actuels, c'est-à-dire le groupe en particulier des scarabées, des guêpes, des papillons. Donc ce sont les ancêtres de ces animaux-là que l'on ne savait pas exister à cette époque. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on s'imagine à l'époque du Carbonifère, au moment où la Pangée existe, qu'elle est dominée par des insectes géants. On a l'image de ces libellules gigantesques et d'autres insectes, alors que là, ces fossiles montrent le contraire, qu'il existait aussi d'autres types d'insectes qui sont les ancêtres des holométaboles, peuplent la Terre d'aujourd'hui. Les holométaboles, ce sont les insectes en métamorphose complète, c'est-à-dire les papillons, par exemple, qui ont un œuf, une chenille, une chrysalide et le papillon. Donc tout ce groupe-là des holométaboles, en particulier avec les coléoptères, les scarabées, sont les plus diversifiés actuellement. Maintenant, on sait qu'il y avait une diversité de tout petits insectes qui était très importante. Oui, donc en fait, le site, le terril dont que vous évoquez, lui, était vraiment dans un climat tropical avec une forêt luxuriante. Il était dans un climat équatorial. C'était une forêt, ce qu'on appelle les forêts vertes denses. Donc les écosystèmes étaient déjà extrêmement compliqués. Et cette complexification des écosystèmes, elle s'est faite entre le dévonien supérieur et le carbonifère supérieur, donc dans une cinquantaine de millions d'années, relativement vite pour l'échelle des temps géologiques. Alors, une fois que vous avez pu identifier ce site à Avion, comment on s'équipe pour pouvoir retrouver ces fossiles et les étudier ensuite ? Alors, en fait, sur Avion, il faut rendre à César ce qui est à César. Ces insectes ont été découverts par deux collègues amateurs, Patrick Roch et Jacques Houdard. Comme ils sont tout petits, ce que l'on cherche, ils sont obligés d'ouvrir, de casser tous les cailloux un à un et de les regarder sous la loupe binoculaire, donc au microscope. Et c'est grâce à cette procédure très longue qu'ils ont réussi à trouver ces fossiles. Alors ensuite, l'opération suivante consiste à finir de les dégager avec une pointe vibrante. C'est-à-dire une pointe vibrante ? Une pointe d'acier très fine qui va faire du va-et-vient très rapide grâce à de l'air comprimé. Vous avez ça ici dans votre bureau, vous pouvez montrer. La pointe est là. La pointe est là et la machine. Voilà. On installe la pointe. C'est une pointe en métal classique. Une pointe en acier. Le diamètre de 3 mm. Oui, c'est ça. Voilà. Vous l'encapsulez dans On l'encapsule là-dedans. Dans un crayon, en fait. Dans un crayon. Et puis après, on lance l'air comprimé. En vibrant avec la pointe, on appuie sur la roche autour du fossile. Du coup, on appuie à côté. On appuie à côté, et c'est très délicat, il faut le faire sous la loupe binoculaire. On appuie à côté, ça fait sauter des petites écailles de roche, et ça dégage les ailes. Ah, donc on purifie l'échantillon. On purifie l'échantillon, voilà, exactement. Et ensuite, on peut l'observer. Et ensuite, on l'observe sous la loupe binoculaire, voire sous un microscope électronique à balayage. On prend des photos. Quelquefois, on est obligé de faire du stacking, c'est-à-dire de prendre des photos nettes à certains niveaux, et puis après, on reconstitue une image. Alors, le problème majeur, c'est que ces fossiles sont souvent fragmentaires. Si on a une aile complète, on est très content. Est-ce qu'on pourrait voir de plus près une des observations que vous avez faites à partir de ces débris de fossiles ? Par exemple, cette espèce-là ? Alors, par exemple, là, vous avez justement une bestiole. Là, il y a une aile. Ici, c'est une aile de blatte. C'est le même type de roche qu'à Avion, c'est une espèce de grès relativement dur. Donc sur ce morceau de roche, on peut bien voir incrusté un bout d'aile. Un morceau d'aile, elle est complète. Assez gros, en fait. Elle est assez mais en fait, elle doit faire 2 cm, mais il faut que je finisse de la dégager. Donc il s'agit d'une aile d'une espèce de grosse sauterelle qui appartient à un groupe qui est apparu au Carbonifère et qui s'est été au Trias. Donc on ne parle pas des insectes plus petits que vous avez. Non, là c'est autre chose. C'est du même gisement, mais c'est intéressant, ce sont les premiers chanteurs. Donc c'est intéressant aussi, ça montre la complexité de la vie à l'époque. Par exemple, à propos des plus petits insectes, on a ici ces tout petits morceaux d'ailes, et c'est une aile de puceron, le voisin des pucerons, un ancêtre des pucerons. Et alors, en fait, c'est le plus ancien représentant du groupe de la lignée qui a donné naissance aux pucerons. Donc là, on est aussi au Carbonifère. On est aussi au Carbonifère. Ce sont des nouvelles découvertes qui ont été faites cette année, qui ne sont pas encore publiées, en fait, et qui montrent que ces insectes étaient encore plus diversifiés que ce qu'on pensait. Donc, en 2013, on en avait trouvé les premiers, mais on s'est rendu compte maintenant qu'en fait, ils étaient non seulement là, mais en plus, ils étaient bien diversifiés. Il y avait plusieurs groupes différents dans ces bêtes-là. Voilà ce reportage donc à l'Institut Systématique Évolution Biodiversité du Muséum National d'Histoire Naturelle. Une réaction, Patrick de Wever, c'est un peu votre dada, le lien entre la géologie et l'évolution. Mais le lien, il est évident, parce qu'on imagine souvent qu'il y a le monde minéral et le monde vivant. Or, l'évolution est tout à fait conjointe, puisqu'il y a une relation très forte entre la Terre et la vie, et entre la vie et la Terre. On imagine assez facilement que des modifications de l'environnement ont des modifications sur la vie. Je ne sais pas, dans les plaines alluviales, on voit un type d'animal où on ne voit pas bien les chamois, par exemple, parce que ils sont pas adaptés. Mais on oublie souvent que la vie aussi a une influence sur le type de cailloux. Parce que s'il y a des calcaires, par exemple, c'est parce qu'il y a la vie. S'il n'y avait pas la vie sur Terre, on n'aurait pas de calcaire. Tous les calcaires sont formés par la vie. On a longtemps évoqué des précipitations chimiques. Aujourd'hui, on a oublié ces précipitations chimiques. Il y a des précipitations chimiques, mais qui sont induites par la vie, par des bactéries, par exemple. Donc, en fait, on oublie que la nature, c'est un ensemble. Et nous, pour essayer de la comprendre, on doit faire des boîtes, on doit la découper. Mais si on oublie, après, de remettre l'observation qu'on a faite dans un coin en dehors du contexte, ben souvent on se plante. Hein, parce que comme c'est un tout, on doit la découper pour l'analyser, mais si on veut conclure, il faut surtout remettre dans le contexte. Donc là, ben, c'est parce qu'il y avait des forêts du vivant, qu'on a du charbon, et dans lequel on retrouve ces animaux. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de manière certaine de ce qu'a pu être ce supercontinent en matière de biodiversité, parce qu'on imagine un supercontinent, on se dit, bon, bah, forcément, comme tout est unifié, bon, bah, si, ça doit être à peu près la même chose, les mêmes populations. En tout cas, il doit y avoir une moindre diversité évolutive. Est-ce qu'aujourd'hui, on en a des traces? Est-ce qu'on peut inférer des choses sur ce qu'a pu être ce climat, le climat de la Pangée? Est-ce qu'on sait quelles étaient, eh bien, voilà, les températures? Est-ce qu'il y avait une variation? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, Patrick? Alors, la Pangée, c'était un énorme continent. Aujourd'hui, même un continent beaucoup plus petit comme l'Afrique, il y a non pas un climat, mais il y a des climats. Enfin, il y a des régions climatiques. Donc, la Pangée, mais c'est la même chose. Il n'y avait pas un climat, il y avait des climats différenciés suivant les endroits. Et par exemple, au centre de la Pangée, ben, il y avait un climat, ce qu'on appelle continental. Donc, on imagine avec des hivers extrêmement froids, des étés extrêmement chauds. Alors que sur les bords, ce devait être plus océanique. Donc j'ai du mal à répondre à quel est le climat de la Pangée. Bien sûr. Il y avait des climats. Que dire d'autre, justement, sur la façon dont l'évolution nous renseigne de manière relativement précise, avec des horloges moléculaires, notamment, avec des différences, des spéciations, notamment des spéciations allopatriques sur la dérive continentale aujourd'hui. Est-ce que ça nous permet d'affiner l'horloge? Affiner l'horloge moléculaire, affiner l'horloge géologique. Est-ce que justement le fait de savoir, par exemple, de pouvoir remonter à la différenciation évolutive entre les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie, par exemple, ça peut nous permettre de savoir exactement à quel moment le sous-continent indien a quitté la Pangée? Oui, ça donne des indices. Voilà. Hein, ce sont pas des. Telle était ma question. Voilà, ça donne des indices. Ce sont pas des preuves irréfutables parce que vous savez, souvent avec les horloges moléculaires comme avec l'ADN, on a tendance à leur faire dire beaucoup plus qu'ils ne peuvent dire. Hein. Aujourd'hui, on voit avec si vous voulez savoir d'où viennent vos ancêtres, vous faites analyser votre ADN aux États-Unis et on vous dit que vous avez 13% de chance d'avoir de l'indonésien, etc. C'est de la statistique, c'est surtout pas de la vérité. Donc il faut faire très attention dans les reconstitutions. Néanmoins, oui, ça donne des indices, mais là aussi, la science, on utilise un ensemble de disciplines différentes et on voit si les informations convergent. Auquel cas, on dit, bon, là, on peut conclure quelque chose. Si au contraire, ça diverge, bon, on se repose d'autres questions, on essaye d'autres techniques. J'ai lu des choses intéressantes, notamment parce que la jonction des deux sous-continents américains, Laurent Jolivet, est assez récente dans l'histoire géologique de la fragmentation, de la recomposition du visage aujourd'hui de la Terre. Oui, c'est une histoire, à l'échelle de l'histoire de la Terre, c'est récent. C'est une histoire qui se commence dans le Mésozoïque, qui se termine dans le Cénozoïque. Cela dit, C'est-à-dire quelle date, à peu près? On est dans le Crétacé et l'Éocène, c'est-à-dire on est vers avant 60 millions d'années et jusqu'à 30 millions d'années ou quelque chose comme ça. Je suis pas spécialiste de cette région-là, mais je sais que les débats sont assez vifs entre les spécialistes, puisqu'on avait un certain nombre de blocs indépendants entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, qui étaient effectivement séparés, et le fait qu'on n'ait plus qu'un seul continent aujourd'hui et discuter, et les reconstitutions peuvent être différentes d'un article à l'autre, ça c'est certain, parce qu'on est dans à l'échelle de petits blocs et de petits blocs océaniques et sur les dont on a perdu la trace, et il est difficile de remonter de reconstruire cette histoire très précisément. Je disais notamment en préparant cette émission que au moment de la jonction de ces deux continents, il y a eu évidemment des échanges de populations animales du nord vers le sud et du sud vers le nord, et d'ailleurs plutôt du nord vers le sud que l'inverse. Et j'ai lu notamment que tout ce qui fait aujourd'hui la signature biologique et de la faune sud-américaine, à savoir les lamas, les vigognes, viennent du nord, en fait. Ils viennent du nord. Les camélidés typiques de l'Amérique du Sud, en fait, sont des importations du nord suite à la dérive continentale. Et il y a une différence faunique forte jusqu'il y a à peu près 2,5 millions d'années. Et il y a 2,5 millions d'années, il y a eu des nouveaux ponts qui se sont faits. Et alors là, se sont faits beaucoup d'échanges. Mais effectivement, les vigognes, les lamas, pour tout le monde, c'est les lamas, c'est l'Amérique du Sud. Or, ce sont des animaux qui sont, pour les paléontologues, typiquement d'Amérique du Nord et qui signent cette migration et qui signent cette soudure entre les deux Amériques. J'aimerais qu'on remonte. Donc, on a ce tableau relativement précis de quand on remonte dans le temps jusqu'à la Pangée. J'aimerais qu'on remonte un peu au-delà de la Pangée. Hein. On a parlé d'autres cycles de Wilson. Alors, est-ce qu'on est encore... On parle d'un pré-supercontinent qui s'appellerait Rodinia, Laurent Jolivet. Quel est le degré de certitude que l'on a géologique de l'existence de ce supercontinent qui aurait été préexistant à la Pangée? Disons qu'on arrive à l'idée petit à petit que les supercontinents se forment tous les 250-300 millions d'années ou plus. Il pourrait y avoir en effet un continent vers la Rodinia, vers 600-700 millions d'années, dont la géométrie est discutée, justement parce que les différents blocs qui constituaient ce continent ont eu des chemins complexes, hein, des chemins, je veux dire, physiques à la surface de la Terre, des chemins complexes, et suivant les géologues, suivant les observations qu'on peut faire, on peut proposer des chemins différents. Donc la forme, la position, l'agencement des différents blocs continentaux à l'intérieur de la Rodinia sont discutés, mais il y a quand même un consensus assez fort pour admettre l'existence de ce supercontinent. En effet, il y a disons 700 ou 800 millions d'années. Il peut y avoir eu entre-temps d'autres supercontinents. Hein, la périodicité, c'est quelque chose qui tourne autour de 300 millions d'années. Donc, et c'est pour ça qu'on évoque aussi un supercontinent dans le futur, dans 300 millions d'années. Mais ça, c'est purement hypothétique. Mais cette périodicité, je mets des guillemets quand même parce qu'elle n'est pas exacte, elle est liée à la dynamique profonde et en particulier à la géométrie de la convection. On sait aujourd'hui, ça c'est une des grandes avancées des 15 dernières années, on sait que les anomalies thermiques, puisque finalement ce qui génère la convection sont les différences de densité entre différentes parties du manteau liées à des différences d'histoire thermique et de structure thermique aujourd'hui. Et de nature aussi, du magma et de la roche dans le manteau. Sans rentrer dans les différences de composition chimique, au premier ordre, ce qui génère la convection, c'est le fait que les parties chaudes montent et les parties froides descendent, voilà, comme dans votre tasse de thé. Et on sait aujourd'hui que dans le manteau profond, très profond, ça veut dire juste au-dessus du noyau, vers 2800 km de profondeur, en gros, on a deux zones chaudes qui sont antipodales. Et ces deux zones chaudes sont caractérisées par les vitesses des ondes sismiques. Ces deux zones chaudes sont vraisemblablement stables au cours des temps géologiques, c'est-à-dire sur des centaines, voire 800 ou plus de millions d'années. Et ce sont ces zones chaudes qui génèrent l'ensemble des panaches. Et par exemple, on sait, panache montant, on sait par exemple que la Pangée, ça a été montré par nos collègues du Trekt récemment, la Pangée était, la dernière Pangée, il y a 300 millions d'années, était au-dessus d'une de ces zones chaudes, donc dans le manteau profond, ces zones chaudes auxquelles Notre collègue Kevin Burke a donné le nom de Tuzo et Jason, Tuzo pour Tuzo Wilson. C'est John Tuzo Wilson, c'est pour ça que je disais John Wilson. Voilà, Tuzo, c'était son deuxième nom. Voilà. Donc, John Wilson, c'est comme Nicolas Martin, il y en a 1500. Donc. C'est un président des États-Unis. Donc là, et cette Pangée, elle était au-dessus de cette zone chaude, et c'est le panache profond qui a fait exploser finalement cette Pangée. Donc le schéma de cette convection, il est relativement simple, et c'est pour ça que vraisemblablement que ça se répète au cours du temps, et que les continents ne font pas n'importe quoi à la surface. Quelles sont les traces dont on dispose aujourd'hui de ces anciens, de ces continents plus anciens, puisque s'il y a eu supercontinent, s'il y a eu dérive, il y a eu subduction, il y a eu accrétion, il y a donc des massifs montagneux. J'ai lu par exemple qu'en Bretagne, il y avait des roches qui étaient datées à 2 milliards d'années, donc 2 milliards d'années, c'est bien la preuve que cette roche-là, c'est une montagne qui s'est constituée il y a très très très longtemps, donc qu'est-ce qu'on peut en inférer ? Donc effectivement, dans le nord de la Bretagne, vous avez ces roches qu'on appelle icarciennes, hein, qui remontent à des périodes très très anciennes. Mais alors c'est assez typique des difficultés qu'on a à remonter dans le passé. C'est un petit bloc. C'est un petit bloc qui est entouré par des unités tectoniques ou des roches. Elle-même très ancienne, mais beaucoup moins ancienne, 600 millions d'années par exemple. Alors ça peut paraître déjà un passé très très lointain. Mais entre 2 milliards et 600 millions, il y a beaucoup de temps. On peut faire beaucoup de choses. Et puis autour, il y a des roches qui sont encore plus récentes, qui ont plutôt 300 millions d'années. Et donc vous voyez bien que, comprenez bien que ce petit bloc a 2 milliards et demi d'années, qui est là tout seul, isolé. D'où est-ce qu'il vient ? À quel grand continent il était rattaché ? S'il était rattaché à un grand continent. Il se situe où ce bloc en Bretagne ? C'est la région pas très loin de Ploumana, Saint-Malo, enfin le nom, voilà. Il y en a plusieurs tout petits blocs, ouais. Et ils portent le nom du Cartetien parce que justement, il a été défini dans une des îles anglo-normandes. Mais on en a aussi sur l'ouest de la Manche, du côté de Flamanville, il y a aussi des petits blocs. Mais vous voyez, ce sont des îlots de 2 milliards d'années dans une mer de roches à 600 millions d'années, eux-mêmes, ces blocs, eux-mêmes dans une mer de 300 millions d'années. Donc c'est très compliqué, vous faites le signe de quelqu'un qui rame, voilà, je dis pour... Un mot peut-être pour conclure, puisqu'on arrive à la fin de cette émission aujourd'hui, qu'est-ce que les modèles disent, puisqu'on les connaît, on les mesure de mieux en mieux, via des mesures satellites, etc., de la suite. Vous disiez à l'instant, Laurent Jolivet, on sait que vraisemblablement, dans 300 millions d'années, la Terre va refaire un supercontinent. C'est pas des modèles précis, on n'a pas de marge de sécurité pour se projeter dans le futur. Disons que les modèles numériques aujourd'hui, parce qu'on connaît beaucoup de choses sur la structure interne de la Terre, sur la nature des roches, sur la température, la viscosité, donc on peut calculer une évolution pour le futur. Mais cette évolution pour le futur, elle est liée à des vicissitudes locales. Par exemple, imaginez qu'aujourd'hui, la subduction, la lithosphère pacifique qui subduque sous le Japon se détache. Le panneau plongeant va se détacher et tomber tout seul au fond. Ça va changer complètement la dynamique en surface. Et ça, c'est pas des choses qu'on peut vraiment prédire. Donc ça devient un petit peu chaotique. Donc vous pouvez dire, il semble que dans le passé on ait eu des supercontinents à plusieurs époques avec une espèce de périodicité autour de 300 millions d'années ou plus ou moins, voilà. Mais quelle sera, donc il y a des chances que effectivement dans 300 millions d'années on ait un nouveau supercontinent. Quelle forme il aura, où sera-t-il, comment les continents actuels seront-ils agencés dans cet ensemble, on est incapable de le dire. Là où on est un peu plus sûr, c'est de dire que bientôt, si vous voulez acheter un chalet à la montagne pour pas cher, vous l'achetez aujourd'hui sur la Côte d'Azur, parce que dans 20 ou 40 millions d'années, vous serez à la montagne. L'Afrique sera... Voilà. Ça, y a quelque chose dont on est sûr, c'est-à-dire là, par exemple la fermeture de la Méditerranée, c'est acté, c'est sûr. Oui, c'est certain. D'autres éléments dont on est sûr aussi sur la dérive continentale dans les millions d'années à venir. Disons que l'Atlantique va continuer à s'ouvrir, le Pacifique va continuer, l'Arabie va continuer, oui, à s'isoler, à monter vers le nord. Elle pourra pas aller très loin parce qu'il y a pas beaucoup de place aujourd'hui. C'est déjà très fermé. On peut faire des calculs raisonnables pour disons les prochaines, je dirais jusqu'à 10 000 ans. Après. Après, c'est de la poésie, comme disait Patrick de Wever. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci Laurent Jolivet, je rappelle, La déformation des continents, ces deux éditions. Herman, Patrick de Wever, La valse des continents avec Francis Duranton, c'est aux éditions EDP Sciences. Merci à toute l'équipe de La méthode scientifique, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Marie-Claire Oumabadi à la technique. Demain, il sera question d'une déclaration en grande pompe de Google qui, il y a quelques jours, a claironné sur tous les réseaux qu'elle avait atteint la suprématie quantique. Qu'est-ce que c'est que cette suprématie quantique? Pourquoi cet effet d'annonce tonitruant? On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.